Deuxième livre des Chroniques, chapitre 17. Or Josaphat son fils régna en sa place, et se fortifia contre Israël. Car il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda, et des garnisons dans le pays de Juda, et dans les villes d'Éphraïm qu'Asa son père avait prises. Et l'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il suivit la première voie de David son père, et qu'il ne rechercha point les Baalins. Mais il rechercha le Dieu de son père, et marcha dans ses commandements, et non pas selon ce que faisait Israël. L'Éternel donc affermit le royaume entre ses mains, et tous ceux de Juda apportaient des présents à Josaphat, de sorte qu'il eut de grandes richesses et une grande gloire. Et appliquant de plus en plus son cœur aux voies de l'Éternel, il ôta encore de Juda les hauts lieux et les bocages. Et la troisième année de son règne, il envoya de ses principaux gouverneurs, savoir, Benagil, Obadia, Zachari, Nathanaël, et Michéa, pour instruire le peuple dans les villes de Juda, et avec eux des Lévites, savoir Semaïa, Netania, Zébadia, Azaël, Semiramoth, Jéonatam, Adonija, Tobija, et Tobadonija, Lévites, et avec eux Elisama et Jéoram. Sacrificateurs, qui enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, et ils firent le tour de toutes les villes de Juda, enseignant le peuple. Et la frayeur de l'Éternel, fut sur tous les royaumes des pays, qui étaient tout autour de Juda, de sorte qu'ils ne firent point la guerre à Josaphat. On apportait aussi à Josaphat des présents de la part des Philistins, et de l'argent des impôts, et les Arabes lui amenaient des troupeaux, savoir, 7700 moutons, et 7700 boucs. Ainsi Josaphat s'élevait jusqu'au plus haut degré de gloire, et il bâtit en Juda des châteaux, et des villes fortes. Il eut de grands biens dans les villes de Juda, et dans Jérusalem des gens de guerre forts et vaillants. Et c'est ici leur dénombrement selon la maison de leur père. Les chefs des milliers de Juda furent, Adna capitaine, et avec lui 300 000 hommes forts et vaillants, et après lui Johanan capitaine, et avec lui 280 000, et après lui Amasia fils de Zikri, qui s'était volontairement offert à l'Éternel, et avec lui 200 000 hommes forts et vaillants, et de Benjamin, Eliada, homme fort et vaillant, et avec lui 200 000 hommes armés d'arcs et de boucliers. Et après lui Jéhozaba, et avec lui 180 000 hommes équipés pour le combat. Ce sont là ceux qui servaient le roi, outre ceux que le roi avait mis dans les villes fortes dans tout le pays de Juda.